بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. On va parler, inshallah, de la réalité haqiqa de l'ibada. Parce que l'adoration est une chose qui, des fois, elle n'est pas très très bien cernée. Par exemple, la définition que Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, a donnée, qui est que l'ibada, il est le jama, et qu'il est le hibbu Allah wa yarda, min al-aqwali wa l'a'mal, min al-aqwali wa l'a'mal, al-zahirati wa al-batina. هذا التعريف تعريف جامع غير مانع. تعريف جامع غير مانع. Donc cette définition qu'il détenait, rahimallah, c'était que l'adoration est un nom général qui englobe toutes les paroles et actions visibles et cachées qu'Allah aime et agrée. Cette définition-là n'est pas incomplète, mais elle n'empêche pas autre que ce qui est. Elle n'empêche pas des choses qui ne sont pas une adoration en soi d'entrer dans cette définition-là. Elle n'empêche pas des choses qui ne sont pas une adoration en soi d'entrer dans cette définition. D'accord ? Donc on va essayer de voir, inshallah ta'ala, ma hiya al-ibada allati idha sulifat ghayrillahi kana sahibuha mushrikan billahi tabaraka wa ta'ala. Pourquoi je dis ça ? Donc on va essayer de voir ce qui est une adoration, et si jamais la personne ne le voit autre qu'Allah, il sera mushrik. Pourquoi ? Parce que celui qui sourit au visage de son frère, est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime ça ? Wa ibtisamatuka fi wajhi akhik sadaqa. D'accord. C'est une adoration donc. D'accord. Si quelqu'un sourit au visage de son frère pour qu'il lui prête de l'argent, est-ce que c'est un mushrik parce qu'il a voulu une adoration au Kaaba? Voilà, l'ishkal. Est-ce que la problématique est comprise? Par exemple, la sadaqa. Allah, il aime la sadaqa, donc c'est une ibada. Si quelqu'un donne une sadaqa, pas pour un intérêt de dunya, parce qu'il veut que les gens, machallah, ils disent de lui, t'as vu, c'est quelqu'un de généreux. Est-ce que c'est un mushrik? Donc, la définition d'Ibn Taymiyyah est générale. Elle englobe toutes les formes. Elle englobe toutes les formes d'adoration, mais ne restreint pas, ne te montre pas l'adoration. La base, si c'est une adoration en soi, si jamais tu vois autre qu'Allah, tu seras mushrik. فأصل العبادة إن شاء الله هذا الذي سنذكره حقيقة العبادة. فيسامحني إخواني العرب من ناطقين باللغة العربية، فليست بين يدي يعني الورقات أو النص باللغة العربية ليس بين يدي، فسأحاول أن أقرب المعنى فقط. يعني ترجمت ترجم وهو يعني ترجمة بين يعني بين يدي، أما أصل الكلام باللغة العربية فليس بين يدي. فتسامحوني. Donc, le sens de la ibada, un cheikh qui s'appelle Abou Ahmed ibn Sulaym Hafidhahullah, qui dans son livre Fivrilal l'Islam, page 106, le sens de la ibada défini, le sens de la ibada, qui est défini par l'exigence même de la fitra, c'est-à-dire la prédisposition naturelle, et la langue arabe est ce qui va suivre. C'est-à-dire, il a mis un sous-chapitre. Asl al-ibada, ta'rif al-ibada bil fitra. فطرتك تبين لك ما هي العبادة وكذلك لغة العرب تبين ما هي العبادة. Ceci est clairement présent dans la parole d'Ibrahim عليه السلام à son peuple lorsqu'il leur dit ما هذه الأصنام التي أنتم لها عاكفون. وهذا واضح في قول إبراهيم عليه السلام لقومه لما قال لهم ما هذه الأصنام التي أنتم لها عاكفون. Donc lorsque Ibrahim عليه السلام dit à son peuple, que sont ces statues auxquelles vous vous attachez? قالوا إنا وجدنا آباءنا لها عابدين. Ils ont dit, nous avons trouvé nos ancêtres les adorants. Ce n'est pas Ibrahim. فليس إبراهيم هو الذي سمى فعله عبادة وإنما هم الذين سموا فعلهم عبادة. Donc ce n'est pas Ibrahim qui a qualifié leur acte de ibada, d'adoration, mais bien le même qui le qualifiait de ibada. Et dans la même lignée, lorsque Amr ibn Luhay la'anahu Allah, a questionné les mouchriquins du Cham, Amr ibn Luhay, ou l'Aliyata Bishik, qui jazirat al-Arab, la'anallah fi dunya al-akhirah. C'est lui qui a ramené le Cham dans la péninsule arabique. Il est parti au Cham et il a questionné les mouchriquins de là-bas sur ce qu'ils faisaient. Puis même qu'ils l'ont informé sur ce qu'ils faisaient. Ils qualifièrent ça d'adoration, de ibad. Et lui aussi a nommé ça d'adoration. Et puis il a amené Atabi, Hadashirk, ou Ibadati Rayullah, il a jésus la crise de l'arabe, Fa'oumina Rayullah, Tabaraka wa Ta'ala. Et ça, à ce moment-là, c'est qu'Allah était adoré. Donc il le qualifiait, et lui aussi a nommé cette action d'adoration. Puis il le rend à ce culte et l'apporta aux Arabes, afin qu'Allah fasse entrer en enfer ceux qui l'auront voulu, ceux à qui l'auront voulu le désarroi. حتى يدخل الله سبحانه وتعالى من أراد له الشقاوة النار ولكن بين قوسين الله حكيم الله حكيم فمن أراد يعني من أراد طريق الخلاص من أراد طريق الخير وفقه الله إلى ذلك فالله يساج celui qui veut le chemin vers le bien الله يفسيه ومن أراد طريق الشقاوة يعني وكل إليه celui qui veut le chemin vers le désarroi il lui sera donné إلا يتغمد الله برحمته سوسي الله نكون من سرحنا d'accord si Allah nous jugeait par sa justice personne ne mérite de l'acquitter personne mais Allah il n'a pas comme nous que il n'est pas que juste il est sage la sagesse implique de mettre les choses dans leur contexte celui qui cherche la guider Allah il lui donne. Donc Allah, par sa sagesse, il guide celui qui cherche la sagesse, celui qui cherche la guidée. Allah bi hikmatihi yuwaffiqu li ta'atihi man arada tariq al-khayr. Amma bi 'adlihi fala ahada mimma yastahiqu hidayat Allah tabaraka wa ta'ala. La ahada mimma yastahiqu hidayat. Si Allah venait à nous juger par sa justice, nul d'entre nous ne mérite la guidée. Mais par sa sagesse, Allah nous guide. Et par sa miséricorde, par sa rahma, Allah subhanahu wa ta'ala le guide. Donc tout ce qui entre dans le cadre des moyens de se rapprocher d'Allah ou autre, aussi minime soit ce moyen, et toute demande d'aide ou autre, d'accord. Là on va reprendre la première partie de la définition. Il dit, donc tout ce qui entre dans le cadre des moyens de se rapprocher d'Allah ou autre, aussi minime soit ce moyen, est une ibad. فَكُلُّ مَا يَدْخُلُ فِي بَابِ التَّقَرُّبِ لِلَّهِ وَلِغَيْرِهِ وَلَوْ قَلَّ ولو قلت هذه الوسيلة وهذه الوسيلة التي تتقرب بها إلى غير الله سبحانه وتعالى فكل ما كان من باب التقرب لغير الله تبارك وتعالى فهو شرك عفا لله به فهو عبادة في هذا المخلوق tout ce qui entre dans le cadre des moyens de se rapprocher d'Allah ou d'autres aussi minime soit ce moyen mais il y a un qaïd après et toute demande d'aide ou autre qui sont accompagnées d'une manière qui ne respecte pas les règles de cause à effet et dont les moyens employés pour être réalisés ne peuvent être cernés, est appelé ibad. بعض حتى تفهم يعني نفهم المقصود جيدا قال بعض يعني ذكر الشيخ شمس الدين القاضي حفظه رحمه الله في كتابه جهود علماء الحنفية في إبطال العقائد القبورية ذكر في تعريف العبادة وهو من أحسن التعريف قال العبادة هو الاعتقاد أو الشعور بأن للمعبود سلطة غيبية في العلم والتصرف يقدر بها على النفع والضر فكل دعاء وثناء وتعظيم نشأ عنه فهو عبادة وعيد العبادة هي الاعتقاد والشعور بأن للمعبود سلطة غيبية ما معنى السلطة الغيبية؟ بينها بعض العلماء كالشيخ عبد المجيد الشاذلي وغيره أنها سلطة لا تلتزم أو يعني لا تنضبط بقاعدة الأسباب والمسببات دونك فكل من اعتقد في إنسان أن له سلطة غيبية أي سلطة لا تنضبط بهذه القاعدة وهي قاعدة الأسباب والمسببات فاعتقد فيه ذلك سواء بالعطاء أو بالاستخلالية لا نقول كما تقول الصوفية القبورية المشركة أنه لا أنها لا تكون عبادة إلا باعتقاد الاستقلالية. هذا لا نقول به، أعوذ بالله من هذا الظلم، بل هذا قول أئمة القبورية كداود بن جرجيس والمالكي المعاصر الذي هلك والحمد لله الذي أهلكه وغيرهم من أئمة القبورية، والزنديق منصور سعيد رمضان بوطي، سعيد رمضان بوطي الزنديق لعنه الله. لماذا قل لعنه الله؟ هذا الرجل أثنى على المذبحة التي وقعت للمسلمين من قبل الحاكم النصيري، أثنى عليها بل حثوا على قتلهم وتشريدهم، وقتل فيها من المسلمين لا يعد ولا يحصى. فهذا الرجل يزين الباطل لحاكمه النصيري الذي شك واضح، لا يخفى على مسلم شك مثل هذا، حتى المرجع يكفرونه، فيزين له باطله ويحثه على باطله ويقدس فيه ويعظمه فيما يعظمه بطريقة ما تنبغي لله سبحانه وتعالى. فسعيد رمضان بوطي كذلك اشترك الاستقلالية. ما معنى الاستقلالية؟ يقولون لك من سجد للشمس معظما لها متذللا لها لا يكون عابدا لها حتى يعتقد أن للشمس قدرة استقلالية ذاتية ليست من الله على النحو والضم. هذا قول القبورية، وهذا تعريف القبورية للشرك، يشترطون الاستقلالية أي اعتقاد الاستقلالية في المعبود. أما أهل السنة فلا، يقولون سواء كان باعتقاد الاستقلالية، واعتقاد الاستقلالية لم يقع تقريبا في العالم، لم يقع اعتقاد الاستقلالية إلا نادرا، ولكن أكثر المشركين كانوا يعتقدون أن لمعبوداتهم قدرة على النفع والضر، هذا حقا، ولكن يقولون أن الله هو الذي أعطاهم هذه القدرة. فلذا أهل السنة والجماعة يقولون أنه لا يشترط أن يعتقد الإنسان الاستقلالية في المعبود، بل إذا اعتقد في سلطة غيبية ولو كانت هذه السلطة عن طريق العطاء من الله تبارك وتعالى فهو مشرك بالله سبحانه وتعالى، لا يعلم معنى التوحيد، لا يعرف التوحيد. جوست اون شوز كو جيزوم لي مشركين لي قبوري لي اسوسياتور باغ لي صوفي كيس كي ديز Ils disent que le chiffre ne peut se réaliser que si, par exemple, je les rencontrais. Quelqu'un se prosterne pour le soleil. Par amour pour le soleil, par tardim pour le soleil, c'est-à-dire par respect pour le soleil, par humilité devant le soleil, parce qu'ils pensent que le soleil va lui profiter dans quelque chose. Ils te disent ceci ne peut chez le Fatma que dans un cas. C'est quand ? Quand ils pensent que le soleil a le pouvoir de lui-même de l'illuminer et de lui profiter, que ce n'est pas Allah qui lui a donné. Mais si jamais il pense qu'Allah lui a donné, si jamais il pense qu'Allah lui a donné ce pouvoir-là, ce n'est pas du shirk akbar. Par exemple, en Égypte, dans le qabr de Sayyid al-Badawi, ils viennent, ils prennent un papier et ils mettent 5 jumeaux, par exemple. Et ils mettent 5 jumeaux près du qabr et ils mettent un papier dans lequel il y a ce qu'ils veulent. Dans lequel il y a ce qu'ils veulent. Voilà, il y a des waraqa bayda. Elle est vide, la feuille. Je vais leur demander qu'est-ce qui se passe. Je m'écoute. Pourquoi la feuille elle est vide? Ils te disent Al-Ariq la yu'arraf. Celui qui sait, tu n'as pas besoin de lui expliquer. Il sait, ya'alam. Il sait, badawi ya'alam al-ghayb. Il connaît, j'ai pas besoin de lui dire ce que je veux. Je mets juste la feuille, je mets 5 euros, 5 journées, et puis c'est bon, j'aurai inch'Allah ce que je veux. Pourquoi tu n'as pas écrit? Parce qu'il sait très bien ce que je veux. Ya'alamuma fi sadri, il sait ce que j'ai intérieurement. Et tu vas lui dire, ça c'est du chiffre. Tu vas lui dire, non, c'est pas du chiffre. Tu vas lui dire, pourquoi c'est pas du chiffre? Parce qu'il va te dire, moi je n'ai pas été convaincu qu'il a eu le pouvoir de lui-même de savoir ça. Non, c'est Allah qui lui donne. Allah yahabu li khalqihi ma yasha. Qawlatu mushrikiyya tahoutiyya. Ils te disent, Allah donne ce qu'il veut à qui il veut. Et ça, c'est en soi, ça c'est une parole tahoutiyya. Pourquoi tahoutiyya? Parce qu'elle a outrepassé les limites, à cause de ça, les gens ont fait du chiffre. La règle des soi-disant des intérêts et des conseils et des méfaits. La chef, le chahid de l'islam, c'est le prophète Ibrahimallah Ta'ala, c'est la tarot ou l'asr. Il l'a appelé le tarot de ce siècle. Toute personne qui veut te permettre du shirk et qui veut t'inviter à faire du shirk et du kufr, il te dit masalik ul mafasi. Al-Qardaoui, lorsqu'il permet de combattre l'armée américaine, il te dit masalik ul mafasi. Ceux qui permettent de voter aux législatives, al-masalik ul mafasi. Ceux qui te permettent d'entrer dans les parlements, al-masalik ul mafasi. Ceux qui te permettent d'entrer dans les armées, al-masalik ul mafasi. Et ainsi de masalik ul mafasi. Ceux qui te permettent de revenir à l'ONU, comme Salman al-Aouda, et le masalik ul mafasi. Tout le monde masalik ul mafasi. Donc c'est devenu un tarot, ma'boud, de l'Oulullah, subhanahu wa ta'ala. Il appelle les gens cette qa'ida, mal comprise aux yeux des gens. Parce qu'elle existe cette règle, mais elle a des limites. Cette mauvaise conception de cette règle a amené les gens au couple de Ben Laden. Donc c'est un tarot. Le tarot, il peut être animé et inanimé. Ça peut être un être vivant, ça peut être une pierre. Parce que pourquoi la pierre, on va dire, c'est un tarot. Elle a fait quoi la pierre? Parce que c'est la cause de l'égarement des gens du couple. C'est le. Non, je sais pas. Le masalik ul mafasid, c'est les bienfaits et les méfaits, c'est-à-dire que lorsqu'on a un méfait qui s'oppose à un méfait, un bienfait qui s'oppose à un méfait, il y a des règles, il y a des choses qui concernent cette règle-là. C'est-à-dire dans certains cas, on prend l'intérêt le plus grand, même si on met en pratique l'intérêt le plus grand, même s'il y a un méfait dedans. Il y a plusieurs règles qui gèrent ce domaine-là. Inch'Allah, vu que ce n'est pas le domaine, parce qu'on risque de beaucoup s'étaler dessus, je vais pas m'arrêter dessus, Inch'Allah. Mais Inch'Allah, on reviendra peut-être une autre fois dessus. Quoi qu'il en soit, je vais faire un bref résumé. Al-Masalih, elle se divise en trois. Al-Masalih, les intérêts des créatures, se divise en trois. Al-Masalih, Al-Mu'tabara, les intérêts qui ont été textuellement cités comme étant des intérêts pour l'humanité. D'accord. هذه هي التي اعتبرها الشارع بنص يعني بأن نص الشارع على اعتبارها وأنها معتبرة. طيب. La deuxième catégorie est المصالح الملغى. Les intérêts, c'est ce qu'on s'imagine être des intérêts, mais qu'Allah subhanahu wa ta'ala a textuellement rejeté. كالخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. Donc comme le vin et les jeux de hasard, Allah subhanahu wa ta'ala a textuellement dit qu'il y avait un intérêt dedans. Mais leur méfait est plus grand et Allah les a rejetés. Donc quiconque pense qu'il y a un intérêt, un profit dans le vin, il se sera certes trompé. Waouh. Les intérêts qui n'ont ni été. Donc c'est des intérêts, les profits, ni ils ont été textuellement pris en compte, ni rejetés textuellement. Les traits à la mosquée, le micro, pour faire l'adhan, pour faire la prière, toutes ces choses-là, plus de trois étages, plus de trois marches pour le minbar, toutes ces choses-là n'ont ni été rejetées, ni été prises en considération textuellement. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Là, il y a une divergence entre les savants, d'accord? À savoir qu'Ibn Taymiyyah ne voit pas cette catégorie. Il te dit, il n'y a pas de masalik mursal. ليس هناك قسم يسمى ليس هناك قسم لم ينص الشارع على انه معتبر او ملغى بل اذا تدبرت نصوص الشريعه رايت بان كل مصالح العالم او التي يتخيلها الناس اما انها معتبره او انها ملغى ولكن قد يكون بطريقه لا يتوصل اليها الناظر واضح قد لا تتوصل إليها ولكن إذا تدبرت ومعنت النظر في نصوص الشريعة تبين لك بأن هذه المصلحة التي يدعيها الناس إما أنها معتبرة أو أنها غير معتبرة واضح ابن تيمية يبقى كي سيد خذ الكاتبوري لقد يدي il n'existe pas de masalih qui n'ont ni été rejetés ni été pris en compte. Non. Ce que les gens pensent être un intérêt pour eux, soit ça a été pris en compte, soit ça a été rejeté. Mais il se peut que celui qui observe les textes ne voit pas le hukm d'Allah subhanahu wa ta'ala dans cette chose-là. Mais si quelqu'un médite bien, il verra forcément le hukm d'Allah dans cette chose. D'accord? Ça, c'est le masalih. Mais après, il y a d'autres règles concernant le masalih ou le mafasid. Par exemple, il y a un masalih qui est un masalih qui est un masalih qui est un. Si par exemple un intérêt général se réunit avec un méfait spécifique, ben l'intérêt général prime. Par exemple, imaginez qu'une femme t'emmène demain ta femme, par exemple, à l'hôpital. t'as tout fait auparavant pour qu'il y ait un médecin femme qui l'accouche, mais t'arrives à l'hôpital, il n'y a personne. Et c'est le jour où on va accoucher. Est-ce que t'as le droit de venir et dire non, c'est pas un homme qui va accoucher ma femme? C'est pas ta vie, c'est strictement ta vie refusée. Là, il vise la quinte info. Il y a la maslaha de baqa al hayat. بقى حياتها المرأة أعظم من مصلحة الحفاظ على يعني عدم النظر إلى عورتها. واضح؟ وقد لا يدخل هذا في باب المصلحة العامة والمصلحة الخاصة، بل المصالح درجات فبعضها مقدمة على الأخرى. واضح؟ Donc par exemple dans ce cas-là tu ne peux pas prendre, tu ne peux pas refuser. Il se peut que ça ne rentre pas dans le cadre des مصالح عامة، des intérêts généraux qui s'opposent à un effet spécifique. Mais en fait, les intérêts, ils sont de plusieurs catégories. Certains sont plus importants que d'autres. Par exemple, lorsque les savants traitent de l'adamouliyat al-khams, les nécessités universelles de l'islam, pourquoi ils ont mis dans cet ordre-là? C'est-à-dire la première, l'ad-din, la religion. La deuxième, al-nafs. La troisième, al-mal. Puis après, l'aql, al-afam. Al-mal, après l'aql. Après l'nasr, après l'aql. D'accord? Ibn Ashur, rahimahullah, a rajouté l'aql. Donc, pourquoi ils ont mis dans cette catégorie-là? La première, la religion, la deuxième, la vie, après la raison, après le bien, après la descendance et l'honneur. Et certains savants, tels qu'Ibn Rashoud, rahimahullah, rajouté l'honneur. Pourquoi ils ont mis dans cet ordre-là? Parce que si la troisième se pose à la première, c'est la première qui prime. Par exemple, l'almaniyoun, pas l'almaniyoun, parce que c'est un sharaf la'oum, l'aoum, il faut remuer ces gens-là, il ne faut pas les appeler. العلمانيون en arabe. لأن هذه نسبة إلى العلم. وهؤلاء هؤلاء لا علاقة لهم بالعلم الشرعي. بل هؤلاء العلمانيون أو اللادينيون. D'accord? Comme ils ont cité certains savants, حفظهم الله. Ces gens-là, par exemple, ils disaient à l'époque de Omar, رضي الله عنه, il y avait une année de famine. سنة المجاعة. فقالوا أن عمر عطل حدا من حدود الله سبحانه وتعالى ولم يطبق الشريعة. فبالتالي نحن نعيش مجتمعا جديدا ولا نستطيع تطبيق حد السرقة ولا حد الزنا ولا حد قتل النفس لأنها تؤدي لمفاسد عظمى والشارع اعتبر المصالح والمفاسد وأمرنا أن نحافظ على العدل العام فلا نستطيع لو طبقنا الشريعة ستكون فوضى هذه قولة العلمانيين والله فسي جون لا كيس كي ديز اجوردي تي ديز سي جامي اون ابليك لا شريعة اجوردي سا فايت انارشي. Ça va être l'anarchie, on ne va pas pouvoir gérer l'ordre et il y aura des conséquences qui sont très très néfastes. Par conséquent, en application de la règle qui dit Masalih al-Maqasid, on va ne pas appliquer la charia afin de préserver un certain ordre dans la société. Et ce qui est demandé de toute manière, c'est l'adl, c'est la justice. D'accord. Et ils te disent la preuve, Omar radiallahu anhu, à son époque, il y a eu la famille, il n'a pas appliqué la peine du voleur. Et donc Omar, il n'a pas jugé avec ce qu'on lui a demandé. Donc nous, on a le droit de ne pas juger avec ce qu'on lui a demandé. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا والله سي باغلو نون بصور دو لامبوش il faut mentir ces gens mais quoi qu'il en soit quelle est la réponse à ça c'est que la charia te demande de ne pas couper la main du voleur qui mange pour manger en fait qui vole pour manger Omar hakama bi sharia il a jugé avec la loi d'Allah Omar on veut pas dire que Omar n'a pas volé il n'a pas jugé avec la loi d'Allah Omar à son époque celui qui volait et qui venait devant lui et il disait j'ai volé pour manger où il y avait une chouba qui l'a volé pour manger. La charia a dit quoi? Idraou al-hudoud al-shubuhat, vous poussez les peines, n'appliquez pas les peines légales lorsque vous avez l'ambiguïté quant au réel mérite de la personne, est-ce qu'elle mériterait véritablement cette peine ou pas? Dès que tu as un bout, tu ne l'appliques pas. Donc cette personne vient et prépare à avoir volé pour manger. Et celui qui vole pour manger, regardez l'ordre des al-dawliyat al-khams al-sitt, des nécessités, des principes universels d'islam. L'universel de l'islam. La première, c'est la religion. La deuxième, c'est quoi? C'est la vie. La troisième, c'est quoi? Al-mal. Taïr. Après l'arbre. Mal, l'argent, il vient en quelle position? Troisième. Et la vie, elle vient en quelle position? Deuxième. Donc, s'il y a un ta'arud entre l'argent, entre les biens et la vie, qu'est-ce qui prime? C'est une opposition entre la vie et les biens. Et que ce soit ta vie, soit tes biens qui partent. C'est quoi qui prime? Soit c'est ta vie, soit c'est les biens d'autrui qui partent. C'est quoi qui prime? C'est la vie. C'est pour ça qu'Ibn Hazm, rahimahullah, il a dit quoi? Celui qui va mourir de faim, il est obligé de voler. Obligé, il n'a pas le droit de pas voler. S'il ne vole pas, il s'est suicidé. Donc c'est la charia qui demande ça, elle-même. C'est la charia qui demande ça. C'est pas la charia qui n'a pas été appliquée par Omar. Non, Omar, il sait très bien que celui qui vole pour manger, il est dans son droit. Bien plus, les savants vont diverger, est-ce qu'il est ici? Est-ce qu'il s'est suicidé après, s'il mange, s'il ne vole pas, ou s'il vole, il ne vole pas? Et à la suite de ça, des gens venaient, ces gens-là, ils avaient volé de l'argent, ils avaient volé pour manger, et ils prétendaient ça. Donc il y a une ambiguïté ici. Tu ne peux pas savoir, il n'y a pas de témoin. La situation de la personne, la situation du pays, qui est la famine générale, est véritablement une grande ambiguïté qui pousse à croire que cette personne a véritablement volé pour manger. D'accord? Donc dans ce cas-là, vu qu'il y a cette ambiguïté-là, tu ne peux pas appliquer la peine. Allah te t'interdit d'appliquer cette peine. Allah te l'interdit. Donc, aujourd'hui, je parle de cet exemple pour dire que lorsque tu es une meuf sévère, une maslaha, il faut regarder le degré. Par exemple, si jamais c'est ta vie ou la religion qui disparaît, c'est quoi qui prime? La religion. Et ça, on le trouve. C'est quoi la sunna? Dans quelle sunna du Coran on trouve ça? Enfin, tu peux trouver ça, mais tu as une histoire qui te raconte tout ça. Il y a une fissure là, une histoire du Coran. Non, le Bourouj, je ne sais pas. C'est lui qui l'a dit, je ne sais pas. Alors, mon fils. Surat al-Bourouj. Al-Ghulam, ماذا فعل? Qu'est-ce qu'il a fait, jeune homme? قال إن ربك تقتلني فخذ السهم وقل بسم ربي الغلام فستقتلني فعل هذا من أجل ماذا؟ من أجل إحياء الناس لأن من كان كافرا فهو ميت والله سبحانه وتعالى يقول أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به الناس كما مثل في الظلمات ليس بخارج منها الله سبحانه وتعالى وقال الغلام إلى قصة وغيسوسيدي الجن ولعبدالله من الجن بإذن الله. Pourquoi? Parce que la véritable église se trouve dans quoi? Dans la foi, le créant est mort. C'est un cadavre sur terre. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, est-ce que celui qui était mort et que nous avons ressuscité, en lui accordant, que nous avons ressuscité, et à qui nous avons attribué une lumière? Est-ce que celui-ci est semblable à une autre personne qui, elle est dans l'obscurité dont il ne sort pas? Le véritable vivant, c'est le croyant. Le kafir, ou le fasiq, le dhalim, ou le fajir, هذا ليس بحي عفوا الله وإياكم من هذه الحالة. Donc le ghulam, il a fait ça pour quoi? Pour que les gens ressuscitent. Il a dit quoi? Il a dit au roi, tu prends la flèche, tu dis quoi? Au nom du Seigneur de la, au nom du Seigneur de ce jeune homme, et tu vas le tuer. Le roi, il a pris la flèche, أخذ السهم, قال ما به, قال بسم رب الغلام, فمات الغلام. Et le jeune homme il est mort. Qu'est-ce qui s'est passé après? قال الناس آمنا برب الغلام. Les gens ils ont dit, nous avons cru, nous croyons au Seigneur de ce Seigneur, nous avons cru, nous avons foi au Seigneur de ce jeune homme. La situation a complètement changé et tout s'est retourné contre le roi. Lui, il avait réuni les gens pour tuer ce jeune homme et pour que sa royauté, son royaume, puisse rester stable. Et tout s'est renversé contre lui, tout le monde a cru. Et lorsque tout le monde a cru, il les a tous pris. Et il a allumé un grand feu et il les a tous jetés. L'un après l'autre, jusqu'à ce qu'une mère, elle allait rentrer, elle a jeté dans le feu, elle a hésité parce qu'elle avait son bébé dans la main. Et c'est là qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, fait par Antaqallahu, al-Tifla Sari, faqala, ya umma, udkhuli, il qui nafsaki, fa inna lakil janna. Il a dit à votre chère mère, rentre dans le feu car tu auras le paradis. Puis il est rentré dans le feu. Ils sont tous morts. Allah, subhanahu wa ta'ala, dit quoi? Ceci est la grande victoire. Alors qu'ils sont tous morts, et le jeune homme, il a montré comment le tuer. Si demain, quand tu prends un verre de poison, tu prends, ولكن يعني عفاك الله يعني لك من العقاب ما ينتظر أمثالك من المنتحرين. فهذا الغلام قد انتحر من أجل ماذا؟ من أجل إحياء أمه. فأثنى الله سبحانه وتعالى على فعله فقال ذلك الفوز الكبير سيسير غانفتوى. فيدخل في ذلك كل ما كان من المصالح. يعني إذا تعارضت مصلحة الحفاظ على النفس مع مصلحة الحفاظ على الدين فمصلحة الحفاظ على الدين أولى. Donc ce jeune homme, il a montré au roi, comment le tuer. Donc c'est comme si demain, moi je prends un verre de poison, tu prends un verre de poison, tu me dis, tu sais quoi, mets-le-moi dans ma bouche, verse-le-moi, et je te verse dans ta bouche. Tu t'es suicidé ou pas? Tu t'es suicidé, moi j'ai tué quelqu'un. Donc on est tous les deux, on nous attend, ce qui attend, celui qui s'est suicidé, celui qui a tué quelqu'un. فلذا العلماء يقولون من المبادئ حكمه معصوم. على كل حال يعني بين العلماء ان من قاتل نفسه بطريقه مباشره او غير مباشره ما دام متعمدا فقد يعرفه منتحر. Donc tout ça pour dire quoi? Que la préserver la religion plus sur le fait de préserver la vie. D'accord? Donc c'est tout ça pour, on avait parlé de tout ça dans le cadre des règles sur Masalih al-Mafasid. Je donne un autre exemple sur Masalih al-Mafasid. Ce sont des hommes, que les hommes et les femmes se mélangent. C'est interdit, strictement interdit. Voilà qu'il fait le houmoum lorsqu'il y a des guerres. Fait la licence, l'achadabadazwaji, auquel nous l'avons donné, elle m'a dit, elle m'a dit, elle m'a dit, elle m'a dit, elle m'a dit, elle m'a dit, elle m'a dit, elle m'a dit, elle m'a dit, elle m'a dit, elle m'a dit, ومفسدة الاختلاط ومصلحة الحفاظ على نفوس الموحدين تعارضت، ومصلحة الحفاظ على نفوس الموحدين أولى من مفسدة الاختلاط. C'est pas comprendre ça que on ouvre la porte au mélange et le fait que les hommes et les femmes se mélangent. Non, jamais. Mais simplement une chose, c'est quoi? C'est lorsque il n'y a pas d'autre moyen pour soigner les blessés que lorsque c'est les femmes qui viennent le faire, il n'y a pas de mal. Parce qu'il n'y a pas d'autre moyen. Donc, à la fin, c'était simplement quelques exemples par rapport à cette règle. Mais cette règle-là, la première qa'aïda qu'elle a, elle a des qawa'id. Il n'y a pas de maslaha qui est prise en compte si elle s'oppose à un texte. Et le plus grand texte qu'il y a dans le Coran, c'est ce qui indique l'interdiction du shirk et l'obligation du tawhid. فبالتالي كل مصلحة توهمها العبد وهي مخالفة لأصل ما بعث من أجل الرسل فهي مصلحة ملغاة. Donc tout intérêt que peut s'imaginer l'un d'entre nous alors qu'elle s'oppose à la base pour laquelle le prophète ont été envoyés n'est pas pris en compte. Donc par rapport à ce sujet, je vais juste arrêter par rapport à ce sujet. Inch'Allah, je vais juste terminer ce qu'on a dit. الله يكرمه ذاتنا الله وصلنا في الحياة طيب نعم خلاص إن شاء الله جزاك الله إن شاء الله جزاك الله خير. فالتعريف التعريف القبولية للتوحيد تعريف القبولية للتوحيد وطالب ساغة على كل حال شغلة بس كده مسوي كده كم جانبين، mais القبولية ماذا قال؟ qu'est-ce qu'ils ont dit؟ ils ont dit tant que tu es pas convaincu que celui que tu invoques et que celui que tu adores, il a un pouvoir, parce qu'ils vont pas dire que tu l'adores, celui que tu invoques, celui à qui tu demandes secours, celui à qui tu loues des adorations, cela va venir. Tant que tu es pas convaincu qu'il a un pouvoir de lui-même de te faire du bien et du mal, donc à ce moment-là c'est pas une ibada, tu es pas mouché. Là il va te voir sur charay. يقولون مثلا إذا ناديت السيد البدوي أو ناديت النبي صلى الله عليه وسلم وقلت يا محمد أغيثني أو يا رسول الله أنصرني وكذا وكذا فما دمت لا تعتقد أن محمد صلى الله عليه وسلم ينفع بذاته أي أن له قدرة استقلالية ليس الله الذي أعطاه هذه القدرة ما دمت لا تعتقد ذلك فأنت لست مشركا بل توسلت إلى النبي إلى الله سبحانه وتعالى بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا حرج في ذلك بل هو عمل ممدوح. Donc ils disent, si tu invoques le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu dis à Mohammed aide-moi, ou à Mohammed secours-moi, ou à Mohammed donne-moi un enfant, ou que tu invoques n'importe qui d'autre, tant que tu n'es pas convaincu, ils disent ça, tant que tu n'es pas convaincu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a un pouvoir de lui-même, c'est pas Allah qui lui a donné, de faire le bien et le mal, et de te profiter, et de t'apporter ce que tu demandes, tant que tu n'as pas sous cette condition-là, ben, tu n'as pas commis de shirk akbar. Mais en plus, ils vont dire que ça, c'est une manière d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas de mal. هذا كله ضلال. تو ساس هذا جامعنا كما بزون كذا. فعقيدة أهل السنة والجماعة أن اعتقاد النفع والضر في المعبود سواء كان عن طريق العطاء أو عن طريق الاستقلالية فهو شرك بالله سبحانه وتعالى. Donc on avait parlé de Badawi, ceux qui ont des convictions, des croyances en Badawi. Ils te disent quoi ? Al-Arif ou Al-Arif ? Et Yadda Al-Waraqa, ou Yadda Al-Arif ou Al-Arif, Falahtaj al-Bayyul Mahoudana, Ma'ikoum, Ma'ikoum, Ma'ikoum, Ma'ikoum, Ma'ikoum, وما أحتاج إليه فهو يعلم ذلك. من الذي أعلمه؟ الله، أي أن الله أعطاه القدرة على علم الغيب. معاذ الله من هذه المقولة. Donc ils disent que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné le pouvoir de connaître l'inconnaissable. Donc il met une feuille, il y a les blanches, il y a rien écrit dessus, et tu leur dis pourquoi tu as fait ça? Tu dis parce que El Badawi, il sait très bien ce dont j'ai besoin. Donc ils pensent qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné ce pouvoir-là. Et donc quand tu leur dis que ça c'est du shirk, ils te disent non, le shirk c'est pas ça. C'est si je crois que El Badawi, il sait ça de lui-même, c'est pas Allah qui l'a donné. On lui dit non, tu t'es trompé. Ça, c'est un égarement évident. Que tu penses que le Badawi, il sache ça de lui-même, tu penses qu'Allah lui a donné, les deux cas sont du shirk akbar. D'accord ? Donc, on revient à la définition de l'ibad. Donc, tous ceux qui rentrent dans les moyens de se rapprocher d'Allah, ou d'autres, aussi nous, soit ce moyen, et toute demande d'aide ou autre, qui ne sont pas accomplies d'une manière, qui ne respectent pas les règles de cause à effet, et dont les moyens employés pour être réalisés ne peuvent être cernés, est appelé à l'ibada dans la langue des hommes, dans la langue de l'humanité. Au même titre qu'il y a de la lune, lune, et le soleil, soleil, et la mer, mer. Ces termes employés sont des utilisations humaines. Et le sens du shirk est donc de vouer à autre qu'Allah le droit exclusif d'Allah être adoré, que nous avons exposé, à savoir se rapprocher d'autre qu'Allah et chercher son aide d'une manière réduite et réduite, c'est-à-dire d'une manière qui ne respecte pas les règles de cause à effet, et dont la signification n'est pas cernée, c'est-à-dire elle n'a pas une autre, elle n'a pas une connotation qui peut avoir une autre signification que la soumission à autre qu'Allah comme on se soumet à Allah. Par exemple, quand quelqu'un vient et pose des habitudes devant la statue de Bouddha, quand quelqu'un va devant la statue de Bouddha, il pose de la nourriture. Pourquoi ils font ça? Bouddha, il va manger. Et les ouvriers vont manger. Personne ne va manger, rien du tout. Il le pose en tant qu'offrande. Pourquoi? Pour se rapprocher de qui? De Bouddha. Pour que Bouddha leur profite. C'est le ribad. D'accord? Donc je répète, le shirk, le shirk, pour atteindre ce n'est pas haqq Allah subhanahu wa ta'ala, le ribad, le ribad, le ta'ala. Il a dit, le ribad, le sabiqan, donc, il y a un tataqarrab à l'ribad, wa tasta'ina bihi, bi tariqatin ghaybiyya, ou ghayr ma'qulatin ma'lam. طريقة غيبية أن تعتقد فيه سلطة غيبية يقدر بها على النفع والضر. سواء اعتقدت أن هذه السلطة الله سبحانه وتعالى أعطاه له هذه السلطة، أو اعتقدت أنه بنفسه عنده هذه السلطة. Donc pour faire l'objet, inshallah, un des élèves du Cheikh Abdelmajid al-Shaykh, حفظه الله تعالى, définit ce passage et dit ce qui suit. Il y a toujours une différence entre les choses coutumières et habituelles et les choses cultuelles. Les choses coutumières et habituelles, c'est l'umour al-adiyya. Ça fait combien l'umour al-adiyya ou l'umour al-ta'abudiyya. Les choses cultuelles, c'est les choses, les masail al-abadiyya ou al-ibadiyya ou al-ta'abudiyya. Cette différence est ancrée dans la nature même de l'homme. Il y a une différence entre le fait qu'un homme se retrouve dans une situation où il a besoin d'aide et qui demande à ceux qui l'entourent de l'aider, et entre le fait qu'il invoque un être qu'il croit lui apporter son secours, que ce soit Allah ou autre parmi les fausses divinités. D'accord ? Ou autre parmi les fausses divinités. Un exemple au Maroc, Aïcha Khadija. Vous connaissez ? En fait, c'était une duchesse, Aïcha Khadija. C'était une duchesse qui était connue à l'époque de lorsque l'Espagnol était au Maroc, et les gens pensaient. C'était une duchesse qui était connue à, soit pour faire du mal, je ne sais pas l'histoire en détail. Mais quand les enfants voulaient faire peur, quand les parents voulaient faire peur à quelqu'un, à leurs enfants, ils leur disaient fais attention parce que sinon, la duchesse, elle va venir te voir. Donc les gens, ils avaient peur. Puis, il y a tout un livre qui a été créé au Maroc sur cette fameuse Aïcha la duchesse. D'accord ? Donc on l'imagine avec une robe, avec des jambes d'âne. Et puis les bras de chien, ou encore parmi les mythes qui ont été inventés autour de cet être. Ce qui est à retenir, c'est que il est connu au Maroc qui te disent ne dis pas trois fois Aïcha Khadija, sinon on va te faire quoi? On va te faire du mal. Est-ce que ce khawf est une ibad? Pourquoi? Mais si un mouche, c'est un khawf, c'est quelqu'un qui va te dire oui, mais attends, moi j'ai pas pensé. Moi, c'est à moi qui m'a donné ce pouvoir. C'est possible? Le pouvoir de t'entendre. On ne sait pas où est-ce qu'elle est. Le seul que tu penses t'entendre alors que c'est pas où ce qu'il est, enfin, c'est pas où ce qu'il est. Le seul que tu penses, que tu crois t'entendre alors qu'il n'est pas présent avec toi là, en ce moment physiquement, c'est qui? C'est Allah subhanahu wa ta'ala, d'accord. Si tu attribues ce pouvoir au karma, tu auras commis du chien. Même si tu penses qu'Allah lui a donné à cet autre, même si c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam à qui tu donnes ce pouvoir, tu auras commis du shirk. Wa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah ne pardonne pas pour les associés, il pardonne à qui est en dehors de ça, à qui est Dieu. Donc certains, si tu dirais shirk comme tu sais trois fois, c'est bon, il y a un malheur qui va m'arriver. Ça tu sais, bouni, bima tasha, wa kayfa tasha, wa mata sha'at. فمن الذي يصيبك ويعاقبك متى شاء وإذا شاء وكيف ما شاء وأنت تجهل الكيفية من الذي يصيبك ويعاقبك بهذه الطريقة من الله فجعلتها بمنزلة الله سبحانه وتعالى وهذا الخوف من بين قوسين عشاق الهشام شرك لله أكبر شرك أكبر شرك أعظم لا يغفر الله et cette peur le seul qui peut te punir d'une manière que tu sais pas comment tu sais pas quand tu sais pas quand est-ce comment ça va se faire et quand ça va se faire et de quelle manière. Le seul qui puisse faire ça, c'est qui? C'est Allah. Donc si tu penses que Allah est capable de faire ça, c'est du shirk. Même si tu penses que c'est Allah qui a donné ce pouvoir-là à autre que lui. Parce qu'Allah ne donne pas ces pouvoirs-là à autre que lui. Allah ne donne pas. Même Isa, est-ce que c'est lui qui guérissait les gens? Beaucoup pensent ça. Allah a dit aussi dans une coudra. Al-Kathir, il y a un bon, Isa, ou Al-Kana, يبرئ الأكمة ويحيي الموتى لا عيسى لم يكن يحيي الموتى الله هو الذي يحيي الموتى عن طريق عيسى ودليل ذلك أن الله سبحانه وتعالى أردف أو ذكر بإذن الله بعد كل هذه بعد كل هذه الأفعال قال وأحيي الموتى بإذن الله وأبرئ الأكمة والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله لماذا قال بإذن الله مع أن حتى تنفسه بإذن الله وحتى أكله وشربه بإذن الله فلما ذكر بإذن الله ليبين أن الأكل والشرب فعل له ينسب إليه أما إحياء الموتى وإبراء الأكمة والأبرص هذا ليس فعلا هذا الفعل لا ينسب إلى عيسى بل ينسب إلى الله سبحانه وتعالى وإن نسب إلى عيسى فهو لبيان أن الله شفى وأحيا الموتى عن طريق عيسى أما أن الله يعطي القدرة على الشفاء والقدرة على إحياء الموتى لغيره هذا لن يقع من الذي شق القمر؟ النبي؟ لا المشركون يقولون النبي هو الذي شق القمر لا الله هو الذي شق القمر ولذا أهل السنة والجماعة يقولون في المعجزات أنها فعل الله لماذا فعل الله؟ فعل الله فعل لله خارق العادة لتأييد رسله لتأييد رسله والكرامات فعل الله خارق العادة لتأييد أوليائه لماذا يقولون فعل الله؟ لأن الفاعل والله لا ينسب هذا الفعل لغير الله ولا يعتقد أن هذا الغير قادر على ذلك. Donc par exemple, Isa alayhi salam, beaucoup se trompent et pensent qu'il a le pouvoir de créer, le pouvoir de donner la vie à la mort. Et qu'Allah lui a donné ce pouvoir. Et ça, c'est la base pour laquelle, par exemple, Ali Jum'a, Abdal, de Messon, le Mufti, qui permet même l'Almaniya, il permet d'y avoir de mal à l'Almaniya aujourd'hui. Cette personne, pour justifier que les gens qui font du shirk aujourd'hui, ce n'est pas des mouchriquins. Il te dit quoi? Il te dit Allah, il a donné le Qudra à Isa alayhi salam de créer. Il lui a donné le Qudra de donner la vie et la mort. Donc ces gens, ils pensent que Sayyid al-Badawi, Allah lui a donné le Qudra. Donc il lui demande pas ce que seul Allah peut faire. Non, vu qu'Allah a donné à Sayyid al-Badawi le pouvoir de créer. Donc moi, je lui demande le pouvoir de me donner la guérison. Donc la personne lui demande. Donc vous vous dites, Ayyuha al-Wahhabi, vous vous dites que Allah subhanahu wa ta'ala, que man talab min ghayrillah, ما لا يقدر عليه إلا الله ومن دعا غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك que celui qui demande à autre qu'Allah ce que seul Allah peut faire il aura commis d'association mais là c'est pas le cas parce qu'Allah a donné au Sayyid Badawi le pouvoir de guérir donc ces gens qui vont chez Sayyid Badawi et qui sacrifient qui font des offrandes et qui l'invoquent pour leur demander de les guérir et autres ils n'ont pas demandé ce que seul Allah peut faire vu qu'Allah lui a donné selon eux le pouvoir de le faire. Donc, ce n'est pas, ils n'ont pas commis le shirk comme vous le pensez. Est-ce que vous imaginez les conséquences néfastes de ce genre de conviction? Donc ce qui est à retenir, le rizq, hafizakumullah, en a hada al-khawf al-sirri. Hada al-khawf al-sirri, shirkun billahi subhanahu wa ta'ala. Cette crainte, si je dis trois fois ça, elle va m'arriver quelque chose quand je ne sais pas, je vais dormir et je ne sais pas comment je vais faire. Mais je connaissais après le tabakan et lui il a quitté dans la maison et juste quand il ouvrait la porte, il y avait le seigneur du village. Donc tous les matins que se lève pour avant, là il embrassait le jodral, il embrassait la tombe et il allait. Un jour il avait compris un peu de tawhid et malheureusement il a compris le tawhid en Europe, il n'a pas compris au Maroc. Donc il est retourné là-bas en vacances, il leur a dit moi j'embrasse plus le jodral. Et on dit tu vas voir ce qu'il va te faire signe. Tu vas voir ce qu'il va te faire signe. Donc il ne faut pas méfier, bientôt il va nous arriver à malheur. Subhanallah, ça c'est quoi? C'est une ibadah. Pourquoi? Parce que je répète la ibadah. Je répète la meilleure. Une des meilleures définitions qui a été donnée. La condition qui soit bien comprise. فكل دعاء وثناء وتعظيم نشأ عنه فهو عبادة. فكل دعاء وتعظيم وثناء نشأ عنه فهو عبادة. Imagine quelqu'un par exemple, il te dit, je suis en train de parler, et je lui dis, les daouliens, ils ne doivent pas être avancés. Sinon, on va nous arriver à la main. Il ne faut pas parler du mal, sinon on va terminer quelque chose. Ça, c'est la même chose. Comme dit Allah subhanahu wa ta'ala, وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدًا وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِ. Allah n'est-il pas suffisant à son serviteur et ils te font peur, ils t'effrayent, enfin, ils essaient de t'effrayer par ceux qui sont en dehors de lui. C'est-à-dire, ne parle pas de notre divinité parce qu'ils sont pour te faire du mal. Donc, ils savaient que leur divinité pouvait faire quelque chose. Mais est-ce que les confrères de Quraysh pensaient que leur divinité, ils avaient de eux-mêmes ce pouvoir-là et qu'ils s'étaient rebellés contre Allah? Non, pensez pas que c'était rebellé contre Allah, non. Et Allah leur a donné ce pouvoir. Donc si tu parles d'eux, tu vas voir ce qui va t'arriver. Donc je termine juste ça, Inch'Allah, vous êtes mon frère. Donc il y a une différence entre le fait qu'un homme se retrouve dans une situation où il a besoin d'aide et qu'il demande à ceux qui l'entourent de l'aider, et entre le fait qu'il invoque un être qu'il croit apporter son secours. Si tu demandes de l'aide, par exemple, aujourd'hui, je tombe et je demande de l'aide au frère, je n'ai pas commis de chef. Pourquoi? Parce qu'il est capable de faire ça. D'accord? Que ce soit Allah, et entre le fait qu'il invoque un être qu'il croit lui apporter son secours, que ce soit Allah ou parmi les fausses divinités. Dans ce cas, on voit bien que la demande de secours à l'Israël a quitté les choses coutumières ou les règles de cause à effet connues entre les hommes, vers un secours dont le moyen est inconnu. C'est-à-dire, Rayubi, ou Rayubi Marcon et Marna, et dont le sens est imperceptible. Car la façon dont ce secours sera apporté est inconnue. Par exemple, quelqu'un a peur, il a si vient tel, aide-moi. Puis il marche. Comment le secours va lui être apporté? Allah. Le seul qui mérite ça, c'est qui? Allah. Donc si tu le vois avec Allah, tu auras besoin qu'Allah, le gars, d'Allah, wa shirku wa taj'al lillahi niddan, wa shirku wa taj'al lillahi niddan, wa qad khalaqak. Que tu mettes le shirk consiste à donner à Allah le gars alors qu'il t'a créé. De ce fait, la différence entre ces deux actes est claire. Le premier est une coutume, l'aada, de demander l'aide aux gens qui t'entourent, et le second, une adoration, une ibad. Et nous n'avons pas besoin de l'envoi d'un messager pour cerner ce point. Tu n'as pas besoin qu'un messager te soit envoyé pour comprendre la différence entre l'ibad et l'aada. Tu le sais au fond de toi. Bien. Nous n'avons pas besoin de l'envoi d'un messager pour cerner ce point, car le premier point revient au droit des serviteurs, c'est-à-dire l'entraide solidaire. Car le premier point revient au droit des serviteurs les uns envers les autres, et l'autre, qui est purement cultuel, car abondi, revient au droit d'Allah. Le premier est physique, c'est-à-dire tu peux le voir dans la vie de tous les jours, et le second ne l'est pas, c'est-à-dire qu'il est abstrait. Et comme exemple, on a la différence entre sacrifier pour un invité par preuve de générosité, qui est une coutume, qui revient au droit de l'invité. Quant au sacrifice pour Allah ou autre parmi les égaux qui lui sont donnés, c'est une ribale. Car c'est un amr ghaibi qui ne respecte pas les règles de cause à effet habituelles connues entre les hommes. Qui ne respecte pas les règles de cause à effet habituelles connues entre les hommes. Et physique qui revient, ce n'est pas une chose qui est physique, qui revient aux relations des gens les uns envers les autres. Et dans la même lignée, avoir peur d'une personne à cause de sa force ou parce qu'elle tient un fusil et autres parmi les causes habituelles. Ça, c'est une hada, c'est une coutume. Quant au fait de craindre qu'Allah te touche d'un châtiment, ou la crainte des causes divinités, ceci est un amr raybi, une chose qui ne respecte pas les règles de cause à effet connues entre les hommes. Tu ne sais donc ni comment, ni par quoi tu seras châtié. Sans oublier le plus important qui est que cette crainte est basée sur une chose invisible, que tu ne vois pas, et qui n'est pas perceptible par le sens humain. Tout ce qui entre donc dans ce cadre raybi, c'est-à-dire qui ne respecte pas les règles de causalité, de cause à effet habituelle, et qui est fondé sur des choses inconnues et imperceptibles, et qui est voué à Allah sera du tawhid. Et tout ce qui est, je répète, tout ce qui est en dans le cadre réduit, c'est-à-dire qui ne respecte pas les règles de cause à effet habituelle, et qui est fondé sur des choses inconnues et imperceptibles, et qui est voué à autre qu'Allah sera du shirk. فعافنا الله وجعلنا من ذلك نسأل الله تبارك وتعالى أن يفعلنا وإياكم لما سمعنا ويجعلنا من